Ces deux derniers versets nous amènent évidemment au rôle assigné aux musulmans pour combattre ces infidèles. C'est la guerre sainte, désormais hélas bien connue sous le terme arabe de djihad. C'est un des thèmes qui revient le plus souvent dans le Coran. Sans vouloir justifier le moins du monde les versets qui vont suivre, souvenons-nous tout de même qu'ils ont été écrits au 8e siècle de notre ère, lorsque Mohammed et ses compagnons voulurent imposer la croyance en un Dieu unique et combattre l'idolâtrie. Mais hélas, ces versets servent encore aujourd'hui d'alibi aux excités du Daesh et autres intégristes islamistes. Les chrétiens n'oublieront pas non plus cette phrase tirée de la Bible, dans le livre de Job, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Les infidèles disent « N'écoutez pas la lecture du Coran, ou bien parlez haut pour couvrir la voix de ceux qui le lisent. Nous ferons subir aux infidèles un châtiment terrible. Ne cède point aux infidèles, mais combat-les fortement avec ce livre, le Coran. Faites de la guerre à ceux qui ne croient point en Allah ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Allah et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient soumis. » Sourate 47, dont le titre est Muhammad. Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu'à en faire un grand carnage et serrez les entraves des captifs que vous aurez fait. Ensuite, vous les mettrez en liberté ou les rendrez moyennant une rançon lorsque la guerre aura cessé. Si Allah voulait, il triompherait d'eux lui-même. Mais il vous fait combattre pour vous éprouver les uns par les autres. Combattez dans la voie de Dieu, c'est l'expression consacrée pour la guerre sainte, la djihad. Combattez dans la voie de Dieu contre ceux qui vous feront la guerre. Mais ne commettez point d'injustice en les attaquant les premiers, car Allah n'aime point les injustes. Tuez-les partout où vous les trouverez, et chassez-les d'où ils vous auront chassés. La tentation à l'idolâtrie est pire que le carnage à la guerre. Ne leur livrez point de combat auprès de l'oratoire sacré, entendez la Kaaba de la Mecque, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils le font, tuez-les. Telle est la récompense des infidèles. S'ils mettent un terme à ce qu'ils font, certes, Allah est indulgent et miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation et que tout culte soit celui du Dieu unique. S'ils mettent un terme à leurs actions, plus d'hostilité. Les hostilités ne seront dirigées que contre les impies. Ô croyants, les jouissances d'ici-bas sont bien peu, comparées à la vie future. Si vous ne marchez pas au combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. Il vous remplacera par un autre peuple, et vous ne saurez lui nuire en aucune manière. Dieu est tout-puissant. Mais les faibles, les malades, ceux qui n'ont point de moyens, ne seront point tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers Allah et son apôtre. On ne peut inquiéter ceux qui font le bien. Allah est indulgent et miséricordieux. Par contre, quiconque tournera le dos au jour de combat, à moins que ce ne soit pour revenir à la charge ou pour se rallier, sera chargé de la colère d'Allah. Sa demeure sera l'enfer. Quel affreux séjour! Mettez donc sur pied toutes les forces dont vous disposez et de forts escadrons pour en intimider les ennemis d'Allah et les vôtres, d'autres encore que vous ne connaissez pas et qu'Allah connaît. Tout ce que vous aurez dépensé dans la voie d'Allah vous sera payé et vous ne serez point lésé. Ce verset est tiré de la sourate 8 intitulé « Le butin ». Ô prophète, excitez les croyants au combat. 20 braves d'entre eux terrasseront 200 infidèles. 100 en mettront 1000 en fuite, parce que les infidèles n'ont point de sagesse. Allah veut alléger votre tâche, car il connaît votre faiblesse. 100 braves d'entre vous vaincront 200 ennemis, et 1000 triompheront de 2000 par la permission d'Allah, qui est avec les intrépides. Celui qui abandonnera son pays pour la cause d'Allah trouvera sur la terre d'autres hommes forcés d'en faire autant. Il trouvera des biens en abondance. Pour celui qui aura quitté son pays pour embrasser la cause d'Allah et que la mort viendra surprendre, son salaire sera à la charge d'Allah, et Allah est indulgent et miséricordieux. Ceux qui ont quitté leur pays, qui combattent dans le sentier d'Allah, de leurs biens et de leurs personnes, occuperont un degré plus élevé devant Allah. Ils seront bienheureux. Leur Seigneur leur annonce sa miséricorde, sa satisfaction et les jardins où ils goûteront des délices constantes. Ils y demeureront éternellement, à jamais, car Allah dispose d'immenses récompenses. Combat dans le sentier d'Allah et n'impose des charges difficiles qu'à toi-même. Excite les croyants au combat. Allah est là pour arrêter la violence des infidèles. Il est plus fort qu'eux et ses châtiments sont plus terribles. Une fois les 4 mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Allah est indulgent et miséricordieux. Ô croyants, lorsque vous marchez pour la guerre sainte, pesez vos démarches. Que la soif des biens de ce monde ne vous fasse pas dire à celui que vous rencontrerez et qui vous adressera le salut. C'est un infidèle. Allah possède des richesses infinies. Telle fut votre conduite passée. Le ciel vous l'a pardonné. Examinez donc avant d'agir. Allah est instruit de toutes vos actions. Si vous mourrez, ou si vous êtes tué en combattant dans le sentier de Dieu, entendez la guerre sainte, l'indulgence et la miséricorde d'Allah vous attendent. Ceci vaut mieux que les richesses que vous ramassez. Que vous mouriez ou que vous soyez tué, Allah vous rassemblera au jour dernier. Si Allah vient à votre secours, qui est-ce qui pourra vous vaincre? S'il vous abandonne, qui est-ce qui pourra vous secourir? C'est en Allah seul que les croyants mettent leur confiance. Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant dans le sentier d'Allah soient morts. Ils vivent près de Dieu et reçoivent de lui leur nourriture. Ceux qui ont cru et quitté leur foyer pour combattre dans la voie d'Allah, ceux qui ont donné asile et assisté le prophète, ceux-là sont les véritables croyants. L'indulgence du Seigneur leur est acquise et des bienfaits généreux.